Pourquoi faire entre nous des manières? On ne s'aime plus comme naguère. Pourquoi faire alors se faire la guerre? En amour, il n'y a ni vaincu ni vainqueur. Pourquoi faire des projets de voyage? Pourquoi faire? L'amour a pris le large. Pourquoi faire aller jusqu'à Venise? On emporte sa vie avec soi partout où l'on va. Nous regardons notre amour se faner chaque jour, comme si nous n'étions là qu'en spectateurs. Tu m'avais pourtant promis de sortir de ma vie à la première alerte de ton cœur. Tu n'as pas le courage, et moi, pas davantage. Pourquoi faire ces nouvelles étreintes qui ont le goût des vins de la mauvaise année? Pourquoi faire? Pourquoi faire semblant de garder encore, encore un espoir? Nous regardons notre amour se faner chaque jour, comme si nous n'étions là qu'en spectateurs. Que deux fois je t'ai promis de sortir de ta vie, mais je suis toujours là pour ton malheur. Et nous regardons notre amour se faner chaque jour. Nous regardons notre amour se faner chaque jour. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire?